revient toujours. Soupa. Soudain, il ne reste qu'une chanson. Soudain, je l'écoute, cette chanson. Elle disait je t'aime, cette chanson.